بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On avait vu précédemment plusieurs invocations à faire après la salat, c'est-à-dire après les prières obligatoires. L'auteur a cité que après ces invocations, on a aussi le fait de réciter Ayatul Kursi, Kul Huwallahu Ahad, Kul A'udhu bi Rabbil Falaq et Kul A'udhu bi Rabbil Nas. On a vu hier Ayatul Kursi et maintenant il nous reste donc les trois dernières sourates du Coran, la dernière page du Coran. Et donc en ce qui concerne Sourate Al-Ikhlas, et donc c'est une sourate, comme vous le savez, qui est grandiose, qui représente le tiers du Coran. Représente le tiers du Coran dans la récompense. La récompense. Et certes, il y a dans cette sourate le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il est unique. Il n'a aucun semblable, tabaraka wa ta'ala. Et donc il est unique dans sa divinité, le seul à mériter l'adoration. Dans sa seigneurie, c'est le seul qui gère tout, qui crée tout. Et dans ses noms et attributs tabaraka wa ta'ala. Il y a dans cette sourate le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui as-samad, c'est-à-dire celui dont toutes les créatures ont besoin de lui et tout, et lui se passe de tous. Et lui se passe de tous tabaraka wa ta'ala. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas engendré tabaraka wa ta'ala, il n'a pas été engendré. Et donc il n'a donc pas d'ascendance. Et donc tout cela parce que c'est lui as-samad, il se passe de tous. Celui qui a été engendré ne se passe pas de tous. Puisque forcément il a été engendré, il a besoin de sa mère, il a besoin de ses deux parents. Hein? Et même pour Isa alayhi salam, qui va avoir que sa mère, il a eu besoin de sa mère. Lorsqu'il a été donc engendré. Et Allah tabaraka wa ta'ala, qui n'a aucun égal, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, parce que c'est lui qui est l'unique. Et donc on voit que les deux derniers versets de cette sourate vont expliquer les deux premiers. Le premier, Kul Hu Allahu Ahad, on voit son explication dans le dernier verset. Le dernier verset, Walam Yakun Lahu Kufuwan Ahad, et il n'a aucun égal. Il n'a aucun égal, aucun semblable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'unique. Et le deuxième verset, qui va être lié au troisième verset, Allahu Samad. Et donc Allah lam yalid wa lam yulad. Allah il n'a pas engendré, n'a pas été engendré, parce que c'est lui qui est as-samad. Donc le premier verset qui va être lié au quatrième, et le deuxième qui va être lié au troisième. Et donc dans cette sourate, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite on a dans sourate Al-Falaq. Et donc Al-Falaq, c'est donc l'aube naissante, c'est le début de la propagation de la lumière du jour dans l'obscurité de la nuit. Le serviteur dans cette sourate, il implore la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a créé l'aube naissante, contre le mal de tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé et contre le mal qu'il y a dans l'obscurité lorsque celle-ci se propage. Parce que beaucoup de mauvaises choses se produisent durant la nuit. Beaucoup de mauvaises choses se produisent durant la nuit. D'où la nécessité d'implorer la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le mal qu'il y a dans l'obscurité lorsque celle-ci se propage. Il y a aussi dans cette sourate le fait d'invoquer la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre les sorciers. et contre les jaloux. Et donc celui qui a créé toutes choses, il est celui qui est capable de protéger ses serviteurs contre toutes mauvaises choses qui sont apparentes et cachées, durant la lumière et l'obscurité. En ce qui concerne Sourate An-Nas, Kul A'oudhu bi Rabbin Nas, dit j'implore la protection du Seigneur des hommes, Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans cette sourate trois caractéristiques. Dans Sourate Al-Falaq, il a cité une caractéristique, le Seigneur de l'aube naissante. Ici, dans Sourate An-Nas, il nous cite trois caractéristiques. Rabbun Nas, le Seigneur des gens, celui qui les a créés, celui qui leur accorde leur subsistance, celui qui leur donne la vie et la mort. Malikin Nas, le maître des gens, celui qui fait de ce qu'il veut, c'est lui qui fait ce qu'il veut, tabaraka wa ta'ala. Et il n'est pas interrogé concernant ce que lui il fait, mais c'est eux qui sont interrogés. Ilahin Nas, la divinité des gens, celui qui est le seul à mériter l'adoration, tabaraka wa ta'ala. Et donc le serviteur, lorsqu'il va réciter cette sourate, il va se rappeler de ces caractéristiques qui sont citées. Lorsqu'il implore la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre Shaitan. Shaitan, celui qu'il y a parmi ses caractéristiques, le fait qu'il est waswasun khannas. Waswas, le fait qu'il va déranger et insuffler de mauvaises choses à ceux qui ne font pas leur appel d'Allah. Khannas, le fait que Shaitan, il va s'éloigner et laisser ceux qui font leur appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, on voit dans cette sourate que ce Shaitan qui va insuffler des mauvaises choses, qui va insuffler le mal à l'être humain, eh bien il se peut tout simplement qu'il fasse partie des djinns, comme il se peut qu'il fasse partie des hommes. Minel djinn nati wan nas. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, comme on a dit précédemment, il a cité trois attributs ici dans cette sourate, trois caractéristiques, alors qu'il en a cité une seule dans sourate Al-Falaq. Et donc on comprend ici, certains savants nous disent que Al-Muwaswisu, et donc celui qui va insuffler le mal, celui qui va appeler les gens au mal, et celui qui va empêcher aux gens de faire le bien, il va être plus dangereux que le sorcier. Il va être plus dangereux que le sorcier. Parce que celui-ci éloigne les gens de leur religion. Les gens, parfois, ils vont avoir plus peur du sorcier et de la sorcellerie que d'une personne qui les appelle à l'égarement. Il se peut que les gens, ils ont peur du sorcier, mais ils ne vont pas avoir peur du tablieri qui les appelle à un égarement. Alors que normalement, c'est le contraire. Tu dois plus avoir peur du tablieri qui t'appelle à un égarement qu'à un sorcier. Tu dois plus avoir peur du soufi qui t'appelle à un égarement qu'un sorcier. Tu dois plus avoir peur d'un ikhwani qui t'appelle à un égarement qu'un sorcier. Tu dois plus avoir peur d'un terroriste qui t'appelle à un égarement qu'un sorcier. Les gens, ils font leur askar. Ils sont là, tu les vois, ils font leur askar. Mais pour beaucoup, ils pensent à quoi ? À une préservation contre la sorcellerie. Je suis protégé contre le sihr, contre la sorcellerie, contre l'ayn, contre le mauvais œil, etc., etc. Est-ce qu'on pense au fait de nous protéger contre les égarés égareurs ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, certes, ce qui me fait le plus peur vous concernant, il n'a pas dit c'est Sahara, il n'a pas dit c'est les sorciers. Il n'a pas dit ce qui me fait le plus peur vous concernant, ce sont les jaloux. Non, il n'a pas dit ça. Ce qui me fait le plus peur vous concernant, ce sont ceux qui font du mauvais œil. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit ce qui me fait le plus peur vous concernant, Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Il a dit ce qui me fait le plus peur vous concernant, ce sont les imams égareurs. Immat al-mudillin. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Voilà ce qui fait peur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, les gens ne vont pas avoir peur des imams égarés. Les gens ne vont pas avoir peur de l'égarement. On va sur YouTube, si ça, ça, on est là, on fait son askar. Le askar, il est fini. Yalla, YouTube, quel cheikh tu vas me donner? Allahu alam, je connais pas son nom, mais je regarde, j'écoute. Je sais même pas si c'est un rafidi, si c'est, je sais pas. Wallahu alam, ça se trouve, c'est un cheikh chrétien qui est habillé comme un musulman et on est là, on écoute. Et donc tout ça pour dire qu'on est contradictoire. Nous sommes contradictoires, il y a beaucoup de contradictions. Voilà pourquoi j'ai dit en tout début de cette série de cours que c'est important qu'on médite sur ce qu'on dit. On est en train de faire du azkar, il faut méditer en fait. Pour ne pas être dans une contradiction totale. Particulièrement, barakallahu fikum, que al-muwaswis, celui qui va insuffler le mal, celui qui va appeler les gens au mal, ou qui va interdire le bien, celui-ci peut ensorceler le cœur des gens. Tandis que le sorcier, il ne va pas ensorceler ton cœur. Il va toucher ton corps. La personne va avoir des réactions, etc., etc. Mais la croyance, la religion de la personne reste là. Dans son cœur. Contrairement à celui qui va chercher à enseigner le mal. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Dis à qui appartient la terre et ceux qui sont sur celle-ci si vous savez. Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun. Ils diront: la terre appartient à Allah. Dis: ne vous rappelez-vous donc pas? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim. Dis: qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Sayaquluna lillah. Ils diront à Allah. Tout ça, ça appartient à Allah. Mais ils disent cela, mais malgré ça, ils adorent autre qu'Allah. Qul afala tattaqun. Dis: mais ne craignez-vous donc pas? Vous admettez que tout ça, ça appartient à Allah. Et malgré ça, vous allez adorer autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujir wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Dis: qui est celui qui possède la royauté de toutes choses, qui possède tous les royaumes, tabaraka wa ta'ala? Celui qui protège et celui qui n'a pas besoin d'être protégé. Qui? Ils diront: c'est Allah. C'est Yakuluna lillah. Kul fa anna tusharun. Dis: comment se fait-il que vous êtes ensorcelé? Là, qu'est-ce qui est ensorcelé? C'est le cœur de la personne qui est ensorcelé. Là, c'est pas un sorcier qui a fait ça. Là, c'est pas un sorcier. Là, c'est celui qui appelle la personne au mal. La personne, elle voit l'épreuve clairement. Tu lui dis: call Allah, call Rasulullah. Tiens, la vérité, elle est là. Mais là, non. Le prophète, il a dit de faire telle et telle chose. Est-ce qu'il a dit ça? Oui, il a dit. T'as, pourquoi tu le fais pas? Parce qu'il y en a un, il s'appelle Iblis, il vient m'embêter. À chaque fois, il me dit: non, faut pas le faire. Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, que on craigne l'égarement autant, voire plus, que on craigne, que la façon dont on craint la sorcellerie. Et ensuite l'auteur qui nous dit: wa yustahabbu tikraru hadhihi as-suwar thalath marrat ba'da salati al-fajr wa salati al-maghrib li wurud al-hadith as-sahih bidhalika 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit l'auteur, donc ces trois sourates, donc les trois dernières sourates du Coran, Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas, il est recommandé de les réciter trois fois après la salat du subh et après la prière du maghrib. Tout simplement parce que cela a été rapporté dans le hadith authentique Donc, rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur ici, il fait allusion à quel hadith? Le hadith qui est dans Jami' al-Tirmidhi, d'après Abdullah ibn Khubayb radiallahu anhu, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayni hina tumsi wa hina tusbihu thalath marrat » أو قل كل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. Et donc dit, récite كل هو الله أحد ainsi que les deux dernières sourates, donc ça fait donc les trois dernières sourates, lorsque tu te trouves en début de soirée ou du moins durant la soirée ainsi que à l'aube, tu récites ces trois sourates là trois fois. Cela te suffit contre toute chose. Cela te suffira contre toute chose. Donc voilà pourquoi l'auteur il nous dit qu'il est recommandé, après Salat al-Subh, de réciter ces trois sourates-là trois fois, et après Salat al-Maghrib, de les réciter aussi trois fois. Il continue, il nous dit « Kama yustahabbu an yazida ba'da dhikri al-mutaqaddimi ba'da salat al-fajri wa salat al-maghribi qaul la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah » له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. De la même manière qu'il est recommandé de rajouter aux azkar qu'on a vu précédemment après la prière du fajr et aussi après la prière du maghrib, il est recommandé de dire لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui appartient la royauté, toutes les louanges lui reviennent, il est celui qui donne la vie et qui donne la mort, et il est capable de toutes choses. Il faut dire cela 10 fois, et comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici l'auteur, il se base sur un hadith qu'il y a dans Sahih al-Bukhari et Muslim. D'après Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait cette invocation, il cite l'invocation entièrement, celui qui dit cela 10 fois, celui qui dit cela 10 fois, كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. Celui qui fait cela 10 fois est comme une personne qui a donc libéré 4 esclaves des descendants de Ismaïl. Celui qui dit cela 10 fois est comme celui qui a libéré 4 esclaves parmi les descendants d'Ismaïl. Ensuite, le cheikh, il finit ce chapitre et il nous dit وَإِنْ كَانَ إِمَامًا إِنْ صَرَفَ إِلَى النَّاسِ وَقَابَلَهُمْ بِوَجْهِهِ بَعْدَ اسْتِغْفَارِهِ ثَلَاثًا. Et donc, après la salat, celui qui prie, s'il est imam, lorsqu'il a fini de dire 3 fois Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, donc lorsqu'il a fini de dire cela, il se tourne vers les gens. Il se tourne vers les prieurs. Wa ba'da qawlihi Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Et après avoir dit, donc comme je l'ai cité, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Et donc après cela, il se tourne vers les gens. Thumma ya'ti bil azkar il mazkura. Et ensuite, après cela, il va citer les invocations et les azkar qu'on a vus précédemment durant les 3 cours. Donc les 2 cours précédents et le cours d'aujourd'hui. Kama dalla ala dhalika ahadithun kathira 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam minha hadith 'Aisha radhiyallahu anha fi sahih Muslim. Comme on le voit dans plusieurs hadiths rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ceux-ci il y a le hadith de Aïcha dans Sahih Muslim. Kullu hadhihi al-azkar sunnatun wa laysat farida. Et donc toutes ces azkar qu'on a vues durant ces quelques cours sont sunna et ne sont pas obligatoires. Mais je vous recommande vivement d'apprendre ces invocations et de les faire après la salat, et si vous voulez, comme on a vu donc hier, il y a donc le manuel donc qui est fait à chaque fois. Petit à petit, on va avancer dans le manuel, Inch'Allah Ta'ala, avec le PDF que vous pouvez utiliser à la maison ou même à la mosquée, Inch'Allah Ta'ala. Donc concernant tout cela, avant de conclure, je voudrais attirer votre attention sur donc une innovation que beaucoup de gens vont faire après la prière. Et donc le fait que les gens, lorsqu'ils finissent la prière, ils vont dire Takabbal Allah. Takabbal Allah. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Takabbal Allah. Les gens qui viennent, ils serrent la main et disent Takabbal Allah. Takabbal Allah. Eh bien, les gens, ils font souvent ça, barakallahu fikoum, après la salat. Et donc qu'Allah accepte. Qu'Allah accepte. Et donc ceci, barakallahu fikoum, n'a aucun fondement. Il n'y a aucun fondement, aucun hadith là-dessus, rien du tout. Cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons, ni des tabi'un, et donc ceci est une innovation. Comme l'a clairement dit l'imam Ibn Baz lui-même, l'auteur de ce livre qu'on lit, que nous sommes en train de lire, il l'a clairement dit que ceci est une innovation dans une de ses fatawas lorsqu'il fut interrogé sur ce sujet. Et un autre point, une autre innovation, barakallahu fikoum, c'est le fait de réciter, donc le fait de faire des invocations à voix haute. L'imam Ibn Baz, rahimahullah, il fut interrogé concernant le fait de faire les invocations ensemble à voix haute après la salat, comme le font certaines personnes. Est-ce que ceci est une sunna? Est-ce que le fait de faire les invocations à voix haute est une sunna? Ou alors le fait de les faire à voix basse? Il a répondu, l'imam Ibn Baz, rahimahullah. La sunna dans les invocations est le fait de les faire à voix haute après les prières obligatoires. La sunna, c'est qu'après la prière obligatoire, les invocations, les azkar, on les fait à voix haute. À voix haute, ça veut dire quoi? À voix haute, ça veut pas dire que tu cries. À voix haute, ça veut dire que on t'entend. C'est ça qui est voulu par voix haute. À voix haute, on t'entend. Et donc, à la fin des prières à la mosquée, après avoir fait le taslim. Et ceci en se basant sur ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahihain, Al-Bukhari et Muslim. D'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit donc أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. Et donc le fait de lever la voix après le rappel, le fait de lever la voix pendant les invocations, pendant les azkar, lorsque les gens ont fini la prière obligatoire, ceci se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas dit, et certes, je savais, parce qu'Ibn Abbas, il était jeune, c'était un enfant. Et donc il dit, je savais qu'ils avaient fini lorsque j'entendais cela. Ça veut dire qu'il savait qu'ils ont fini la prière parce qu'il entendait les gens qui font l'adkar. Les gens, ils sont là en train de faire l'adkar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et donc la sunna dans les azkar qu'on fait à la fin de la prière, c'est de le faire à voix haute. Ensuite il continue le shir. Attention, c'est très important. Amma kunuhu jama'iyan bihaith yataharra kullu wahidin nutq al-akhar min awwalihi ila akhirihi wa taqlidahu fi dhalik fa hadha la asla lahu bal huwa bid'ah. Il dit par contre, le fait de le faire tous ensemble de telle manière que chacun essaie d'avoir la même prononciation que l'autre du début à la fin et de le copier, alors cela n'a aucun fondement, mais ceci est une innovation. Wa innamal mashru' an yadhkuru Allah jami'an bi ghayri qasdin li talaqqi al-aswat bad'an wa nihayatan. Mais ce qui est légiféré, c'est qu'ils fassent tous le rappel d'Allah et font leur azkar sans pour autant qu'ils cherchent à le faire en même temps, avec la même voix, du début à la fin. Donc voilà concernant ce chapitre, Inch'Allah Ta'ala, et la semaine prochaine, on va commencer le chapitre d'après, Faslun fi Azkar al-Sabahi wal-Masa, un chapitre concernant les invocations du matin et du soir. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.